Lady Macbeth vient alors reprocher à son mari de ne pas assez faire sentir à leurs invités le plaisir qu'il a à les recevoir. Mais, quand il se présente à la salle de banquet, le spectre de Banquo lui apparaît à deux reprises. Il est le seul à voir ce spectre, et il en est tellement perturbé que Lady Macbeth congédie tous les invités. Macbeth est alors décidé, pour être fixé sur son sort, à aller consulter à nouveau les trois sorcières. À ce moment-là, un des lobes écossais remet en cause la façon dont Macbeth a désigné des coupables aux deux meurtres déjà commis, et il s'inquiète des préparatifs de guerre de Macbeth contre Édouard, le roi d'Angleterre, auprès de qui s'est réfugié le noble écossais Macduff et le fils aîné de Duncan, Malcolm. Lors de sa nouvelle consultation des sorcières, Macbeth entend dire d'abord « Nul être né d'une femme ne pourra nuire à Macbeth. » Et ensuite, « Jamais Macbeth ne sera vaincu avant que la grande forêt de Bernan marche contre lui jusqu'à la haute colline de Dunsinane. » Apprenant ensuite que Macduff s'est enfui en Angleterre, Macbeth décide aussitôt « Aujourd'hui même, pour couronner ma pensée par un acte, que la résolution prise soit exécutée. Je veux surprendre le château de Macduff, m'emparer de Fife, passer au fil de l'épée sa femme, ses petits-enfants et tous les êtres infortunés qui le continuent dans sa race. »